saluant chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila moja wenu mujina la Yesu Kristo. Le frère de Deborah. Nduku Deborah. Invité de Dieu à Likasi. Mutumishi wa Mungu kule Likasi. Vous a tous salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alimsalimia nini wote mujina la Yesu Kristo. Venons pour la lecture de la parole. Tushimame njoo usome neno. Prenons Exode chapitre 15. Tuchukue kitabu ya Kutoka sura ya 14. En son verset 1. Mustari ya kwanza. Verset 2. Ya pa mustari ya pili. Prendons aussi Deutéronome au chapitre 8. Qui s'est attabatté dans la Torah 8. Son verset 2. Nous ferons qui a pied. Jusqu'au verset 3. Fika, van Mustariatatu. Merci, notre Dieu. Accenté Munguetu. Depuis le matin, l'église était assemblée. Tangia subuhi kanisa ikwenye kusanika. Chaque frère et chaque sœur. Kila nduku na kila dada. Il a fait des sacrifices. Ule ajitoa. Pour abandonner ses activités. Juu ya kuacha makazi yake. Pour se priver la nourriture c'est d'aujourd'hui. Kujikataria chakula ya leo. Et qui a dirigé ses pas en ces lieux pour t'adresser un mot de prière. Na aliongoza matua yake paifashi juu ya kukuomba. Parce qu'il avait des besoins. Sababu alikuwa anahitaji. Avait des préoccupations dans son cœur. Alikuya na ngaiko ndani ya moyo wake. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Imangaribi katika jina la Yesu Kristu. Réponds à chaque prière qui t'a été adressée ici. Ujibie kukila ombi balikuelezea paifashi. Toi, tu es le Dieu vivant. Weye ukumungu mujima. Un Dieu compatissant. Mungu unashikiana kabuluma na warehema. Exauce nos prières. Upate kujibia maombi yetu. Pour que notre joie soit parfaite. Sababu furaha yetu ipate kuya kamilifu. Bénis ton serviteur. Bariki mtumishi wako. Que tu as utilisé pour conduire la prière. Mwenye ulitumia njuu ya kuongoza imaombi. Soit avec nous. Uwe pamoja nasi. Dans la deuxième partie. Mwe kipande ya pili. Nous avons besoin de toi en toutes choses. Tuna kuhitaji mukitu kyote. Et donne-nous un entendement meilleur. Na utupatie usikilivu mwema. Toi le véritable interprète de ta propre parole. Weye mtafsiri wa kweli wa neno lako. Viens l'interpréter en nous. Upate kuya kututafsiria. Pour la gloire de ton nom. Njuu ya utukufu ya jina lako. Et pour notre salut. Na njuu ya wokovu yetu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Bénis la parole. Bariki neno. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristu. Amen. Amen. Exode 15. Kutoka 14 sura yake. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique. L'Éternel, il dit. Musa na batoto ya Israeli bakaanza kuimba mimbo na ya wa milele na kusema. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Tamwimbia wa milele sababu anaonesha utukufu yake. Il a précipité dans la main le cheval et son cavalier. Aitumbukiza katika bahari wapanda farasa na farasa. L'Éternel est ma force. Wa milele ni nguvu yangu. Et le sujet de mes louanges. Na shina ya sifa shangwe yangu. C'est lui qui m'a sauvé. Yenjo ariniokoa. Il est mon Dieu. Ni Mungu wangu. Je le célébrerai. Tamushangilia. Il est le Dieu de mon père. Mungu wa baba yangu. Je l'exalterai. Na tamusifu. Deutéronome 8. Kumukumbu la Torato 8. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Soa piri, kumbuka isafari yote wa milele alikutembesha mu miaka 40 katika jangwa. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Kusudi apate kukushusha juu ya kuyua kama kweli utachunga maamri yake. Il t'a humilié. Alikunyushusha kunyenyekeza. Il t'a fait souffrir de la faim. Alikuteswa na njala. Et il t'a nourri de la manne. Na alikulisha mana. Que tu ne connaissais pas. Ili uwe akujue. Et que tes pères n'avaient jamais. Que tes pères. Na bababu zako. N'avaient pas connu. Abakujuake. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Kusudi apate kufundisha kwamba mtu aishi tu kwa mkate tu. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'Éternel. Lakini mtu kunaishi kwa yote unatoka mkinyo wa milele. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Vazi yako haikuharibike pa maungu yako. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Na kadiri ile miaka 40 mkulu yako haikuvimbe. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son fils. Upate kutambua ndani ya moyo wako ya kwamba wa milele eko na kuapiza sa mtu anapiza mtoto yake. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Utaheshimia maagizo ya Mungu. Pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Njia kutembea manjia yake na njia kumuongopa. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu apate kuingeza baraka kusomi wa neno lake. Lorsque Israël sortait de l'Égypte, wakati Israeli aranza kutoka katika Misri, après sa traversée de la mer Rouge, kisha ye kutambuka bahari mwekunda. Ils ont vu un grand miracle de la part du Seigneur. Bariona mujiza mkubwa ya Mungu. Israël expérimenta la délivrance de Dieu. Israeli alionja ukombozi wa Mungu. Il vit comment les Égyptiens furent précipités dans la mer. Na Israël iliona namna kani wa Misri walikufa katika bahari. Israël dansa. Israeli bakacheza. Israël chanta des cantiques à la louange de Dieu. Barimba mimbo njuu ya sifa kwa Mungu. Ils ont crié. Walalamika. Ils ont loué le Seigneur. Barisifu Mungu. Ils ont parlé en langue. Barisema katika lugha. Ils ont chanté en esprit. Barimba ata muru. Mais ce peuple avait oublié. Lakini itaifa barisahabu. Que le chemin était encore long. Ya kwamba safari ikuwa ingaliki mrefu. Le désert était devant eux. Jangwa ilikuwa mbele yabo. Et le Jourdain les attendait. Na hata Yordea ilianza kuwaongolea. Ils ont oublié cela. Barissa Boaïlé. Mais Dieu était avec eux. Lakini Mungu alikuwa pamoja nabo. La grâce de Dieu leur avait fourni un messager. Nema Mungu ilibapatia. Un conducteur. Mjumbe, mwongozi. La colonne de feu était avec eux. Nguzo la moto ilikuwa pamoja nabo. Un agneau pascal était avec eux. Mwana kondoo wa Pascha alikuwa pamoja nabo. Mais ils ont méconnu toutes ces choses. Lakini abakutambue ibitu byote katika safari yabo. Et surtout dans le désert. Na zaidi zaidi katika jangwa. Israël avait rejeté la conduite de Dieu. Israeli arikatala kongozewa kwa Mungu. Et ils commencèrent à errer dans le désert. Na bakanza kujunguluka tumujangwa. C'est vrai frère. Bya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bya kweli dada. Et nous vous avons dit hier. Na tumiambia tena jana. Que notre Dieu est toujours fidèle à son appel. Ya kwamba Mungu ni mwaminifu tu kumwito yake. Quand Dieu sortit son peuple. Wakati Mungu anatosha taifa yake. Dieu s'est révélé à eux de temps en temps. Kila mara Mungu alianza kujifunua kwabo. Ou leur témoigner de sa présence. Ninju ya kubashudia wala kuhakikishia uwepo yake katikati yabo. C'est vrai. Bya kweli. À chaque occasion. Kila bahati. À chaque difficulté. Kila magumu. Dieu était là. Mungu alikuwa pale. C'est pourquoi nous vous avons dit que dans la marche mu safari de chaque élu ya kila mteule Dieu doit intervenir de temps en temps Mungu anapasa kusaidia kila wakati pour marquer sa présence ju ya kuonesha uwepo wake et son accompagnement na kukushindikiza kwake jusqu'à la destination finale kufika na kule utafikia dans la vie d'un élu katika maisha mteule et dans sa marche na katika safari yake de temps en temps kila wakati Dieu doit intervenir Mungu anapasha kwanza kumsaidia pour marquer qu'il est toujours avec lui Dieu ya kuonesha kwamba eko pamoja naye pour dire à son élu qu'il n'est pas seul ya kuambia mteule wake ya kwamba hauna peke yako pour dire à l'élu qu'il l'accompagne ya kuambia mteule akusema niko na kushindikiza il n'y a pas à craindre hakuna kitu cha kupungupa avec lui atakuwa pamoja naye jusqu'à la destination kufika na kule tenda kuishia. C'est vrai frère ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur ya kweli dada. Si vous remarquez kama unatazama que dans votre vie chrétienne ya kwamba maisha yako ya kikristo dans votre marche chrétienne mwenendo yako ya kikristo la présence de Dieu n'est pas avec vous wepo ya Mungu haina pamoja na wewe il y a quelque chose de faux avec ton expérience muonjo yako Mungu kintu kimwake ya bongo il y a quelque chose de faux avec ton appel Mungu kintu kimwake ya bongo mumwito yako. Le surnaturel. Yaki Mungu. Dieu, la présence de Dieu. Wepo wa Mungu. Accompagne chaque fois ses élus. Kila mara inekalaka mkishindikiza bateule yake. Et j'aime que cette pensée-là nani unapenda iwazo soit gravée dans vos cœurs. Ipate kubakia ndani ya mioyo yenu. Pourquoi Dieu anini, Mungu, doit-il marquer sa présence anapasa konekanisha upi yake kila mara mumaisha mteule. Il doit accompagner anapasa son élu de temps en temps wake, kila mara. Pourquoi sa présence Dieu anini upi yake doit être avec son élu. Inapasha kuya na mteule wake. Doit être avec nous. Inapasha kuya pamoja naye na chie. C'est pour nous guider. Ni njuu ya kutongoza. Dans le chemin. Mu safari. Parce qu'il est notre guide. Sababu yenjo eko nitongoza. Il est le véritable yenjo, notre conducteur. Muongozi wa bya kweli. C'est vrai. Bya kweli. Il doit marquer sa présence. Anapasha konekanisha upu wake. Pour nous guider en chemin. Juu ya kutongoza katika njia. Il doit marquer sa présence. Anapasha konekanisha upu wake. C'est pour nous protéger. Juu ya kutukinga. Dans le chemin. Katika dans safari, ce voyage. Katika safari, katika njia. Il doit marquer sa présence. Anapasha konekanisha. C'est pour veiller sur nous. Juu ya kukesha dans notre marche. Katika safari yetu. C'est vrai frère. Bya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bya kweli dada. Il doit nous accompagner. Anapasha kutushindikiza. Pour s'occuper de nos besoins. Njuu ya kuangaikia mahitaji yetu kunayo. Bien-aimé frère. Ndio nduku na dada mpendwa. Bien-aimé sœur. Ndio dada mpendwa. Nous sommes un peuple en voyage. Chie tuku taifa iko msafari. Nous ne sommes pas encore arrivés à la destination. Si ya safari, et pendant le voyage, na kadiri ya safari, chemin, njiani, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Kuko mabitu ya mingi bina fika, vous voyez, unaona, pour nous décourager. Juu ya kutulekesha, et lui doit être là. Na ye anapasha kuya pale, pour s'occuper de nos besoins. Ya kuangaikia mahitaji tukunayo. Parce que quand Dieu appelle un élu, sababu, kama Mungu anaita mteule, il doit le prendre en charge anapasha jusqu'à la destination. Kumwangaikia paka na mwisho ya safari. Il doit s'occuper de ses besoins. Mungu ataanza kuangaikia mahitaji yake kufika paka na mwisho ya safari. Il ne peut pas l'abandonner à lui seul. Mungu hawezi kumwachilia ajitafutie yeye mwenyewe hapana. Mungu anapasha kutuhakikishia sa présence. Uwepo wake insiste en nous. Ine kalaka mnaamsha ndani totale, matumaini ya utele en lui. Ndani yake. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Nous ne sommes pas seuls. Chie atuna shebe nyewe. Nous sommes avec lui. Tuko pamoja naye. Dans ce voyage. Mui safari. Il doit être avec nous. Anapasa kuya na chie. C'est pour combattre. Njuu ya kukombana. Combattre pour nous. Njuu ya kutukombania. Combattre nos ennemis. Njuu ya kukombanisha badu yetu. Ils sont plus forts. Bale benye kutushinda nguvu. Ils sont plus puissants. Bale benye kutushinda uwezo. Sikushishie. Il doit être avec nous. Anapasha kuya pamoja nasi. Pour nous secourir. Njuu ya kutusaidia. Pour nous accorder la victoire. Njuu ya kutupachia ushindi. C'est lui qui nous a appelé. Ni yeye njuu alituita. Nous a placé sur le chemin. Ni yeye njuu alituweka mwinjia. C'est vrai frère. Bya kweli nduku. Il combattra pour nous. Ate tu kombania. Pour nous donner la victoire. Njia kutupatia ushindi. C'est pourquoi pour les élus. Je komana kwa bateule. Il n'y a rien d'impossible. Hakuna kile kinashindikanaka. Non bien-aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Avec notre Dieu. Pamoja na Mungu wetu. Rien ne lui est impossible. Hakuna kitu kile anashindaka. Et nous comme ces élus. Na siye saba teule yake. Nous lui faisons tellement confiance. Kabisa tunamtumainia. Il ne peut jamais nous ya kwamba ate tupatishaka haya. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Nous croyons. Siye tunaamini. Aux impossibles. Kwa bile bitu ya abinashinda. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Il doit nous accompagner. Ye anapasha kutushindikiza. C'est pour nous bénir. Ni njoo akutubariki. Il est notre bénédiction. Ye njoo baraka yetu. Pendant le voyage. Katika safari. Sa présence. Uwepo wake. Est avec nous. Iko pamoja nasi. Pour nous guérir. Juu ya kututunza. Pour nous sauver. Juu ya kutuokoa. Pour nous consoler. Juu ya kutufariji. Amen. Parce que c'est un consolateur. Sababu ye ni mufariji. C'est sa présence. Ni uwepo yake. Fait. Njo unafanya vile. Il est avec nous dans les chemins. Et que pas moins nasi, katika safari. Sa présence. Oui, pour ake. Nous donne la force. Il nous pati en gouvu. Nous donne les ailes. Il nous pati à bidi. Sa présence. Oui, pour ake. Nous ouais. Il voulait nous pète pas quoi. Dans ce voyage. Oui, safari. Ça nous donne de l'onction du voyage. Il nous pati à ou ya safari. C'est vrai. Ya kweli. Son onction nous fortifie. Ah, ou pas quoi ake nous tient en gouvu. Oui, bien aimé frère. Ya kweli nduku nad. Oui, bien-aimé sœur. Dio, dada. Mais pour que toutes ces choses. Lakini, Dieu a ibitu vyote. Nous accompagne. Bipate kutushindikiza. Il faut accepter. Na fadhali kuitika. La conduite de Dieu. Mungongozaji wa Mungu. Il faut se soumettre aux instructions qu'il a données à ses serviteurs. Il est qui vous paie. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Si on est rebelle, kama tukubatumbozi, si on est rebelle en chemin, kama katika safari tunakuwa batumbozi, il est difficile, itakuwa kigumu kabisa, à Dieu de faire quoi que ce soit, Mungu apate kufanya kitu kyokyote na shie. Non, apana, apana, apana. L'église est avec moi. Kanisa tukupamoya. Dieu ne peut jamais accompagner les rebelles. Kamwe Mungu anawezi kushindikiza batombozi ashiwezi. Non frère. Pana nduku. Dieu ne peut jamais bénir. Mungu ashitawezi kubariki. Les désobéissants. Batu bashipokuti. Non bien-aimé frère. Abia, pana Dieu ne peut jamais écouter. Mungu hawezi kushikia. La voix de ceux qui ne veulent pas se soumettre. Sauti ya bale abapende kujitisha. À ce commandement. Kuma amri yake. Non bien-aimé frère. Pana nduku mpendwa. Non bien-aimé sœur. Pana dada mpendwa. Il faut que le peuple na fazali taifa lui soit entièrement soumis. Ipate kuya kabisa kabisa katika utii. Dans ce voyage. Oui, safari. Et ils verront la présence de Dieu. Na pale Dieu bataona uwepo wa Mungu. Et ils verront la main de Dieu. Na bataona mukono ya Mungu. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada. C'est ce que Dieu fait. Dieu le Mungu anafanya. Voilà pourquoi. Du kwamana. Il est avec nous. Eko pamoja nasi. De temps en temps. Kila mara. Il nous accompagne. Eko netusindikiza. Dieu a dit à Israël. Mungu ariambia Israeli. Dans Exode 23. Mukutoka makumi mbili na tatu. Écoutez comment il dit. Musikie vile Mungu anasema. Exode 23. Kutoka makumi mbili na tatu. Dans son verset 20, commençons par là. Mustari yake ya makumi mbili tu unajua pale. J'envoie un ange devant toi. Tazameni nuna tuma malaika mbele yako. Pour te protéger en chemin. Ndio akukinga njiani. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Na ndio akukufikisha fasi yenye nikutayarishia. Ouvrez largement vos oreilles. Mfungule kabisa kabisa masikio yenu. Cette écriture-ci ne s'adresse pas seulement à Israël, c'est une écriture qui s'adresse aussi à nous. Ni andiko ikunietu na chie. Voici, tazameni. J'envoie un ange devant toi. Niku natuma malaika mbele yako. Le véritable ange que Dieu nous envoie aujourd'hui, que Dieu envoie l'église pour conduire l'église, c'est le Saint-Esprit. Voici, tazameni. J'envoie un ange devant toi. Nikuna tuma malaika mbele yako. Un, pour te protéger en chemin. Kwanza, Dieu kukinga katika safari. Et deux, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ya kukufikisha fasi ile nilitayarisha. Un lieu que moi l'Éternel. Fasi ile mie wa milele. J'ai préparé pour vous. Mimi nitayarishia. Quand je vous appelais, wakati nilianza kumita, et je vous sortais de l'Égypte, na nilianza kumitosha mumisi, j'avais déjà préparé un endroit milikuwa nesha taisha fazi mwa fulani, pour vous amener, juu ya kumipeleka. Et moi j'ai envoyé na, mon ami, et sasa binatuma malaika wenu, mwangu, ule atemichunga katika njiani, ule atemiongoza njiani, na kifukuzio, ya kumifikisha, fazi ile mimi mewe nilimitayarishia. Tiens-toi, je te garde. Ah, pas de ce bange, mon poaké. Tiens-toi, je te garde. Que bange, sa présence. Mon poaké. Écoute sa voix. Non, pas de kushika sautiaki. Ne le registre, ne lui registre point. Apana kumkangala. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Sababu awezi kurumia mazambi yenu. Car mon nom est en lui. Kwani jina yangu iko ndani yake. Si tu écoutes sa voix. Lakini kama unasikia sauti yake. Et si tu fais tout ce qu'il te dira. Na unafanya yote ile atakwambia. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Mie mitakuya adui ya l'adversaire de tes adversaires. Na wakukumbanisha bali na kukumbanisha. Mon ange marchera devant toi. Malaika wangu atatembea mbele yako. Et te conduira. Na atakuongoza. Les Amoréens. Wa Amorea. Les Étiens. Wa Étiens. Les Phéréziens. Les Cananéens. Wa Cananéa. Les Éviens. Wa Éviens. Et les Jébusiens. Na wa Jébusi. Et je les exterminerai. Na nite batekete ba maliza. Je vous donnerai la victoire. Temipatia ushindi. Sur tous tes ennemis. Yulu ya badu yote. Aucun de tes ennemis. Hakuna adui hata moya wako. Il résistera devant ta face. Anaweza kukangala mbele yako. Moi je serai avec toi. Sababu mie mitakuwa pamoja na wewe. Pour le combattre. Juu ya kubakumbanisha. Na kukupatia wewe ushindi. Ignora aucune malédiction. Utakuya laana hata moya. Ile itakuwa juu yako. Je serai au milieu de toi. Mitakuwa katikati yako juu ya kubariki. Même l'enchantement contre Jacob. Yakobo, ne fait rien. Haiwezi kufanya kitu. C'est vrai, frère. Mambo ya kweli nduku. Tu ne craindras rien. Hauna na kile utaongopa. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Hii ni hivi Bwana anasema. Voilà pourquoi il est avec nous. Njo kwa maana iko pamoja nasi. Il est avec nous. Eko pamoja nasi. Il marche avec nous. Et qu'on atembea pamoja nasi. Pour nous guérir. Dieu a kutupatia matunzo. Pour chasser. Dieu a kufukuza. Tous les démons qui viennent nuire. Ma demona yote. Ni kuna kuya juu ya kuangaisha na pieto. Ma demona yapenda. Kutuwa mbele ya siku fika kushaba. Yotu yake. Iku pamoja nasi. Dieu a kufukusha ile ma demona yote. Na kuikombanisha. Bia kweri nduku. Bia kweri dada. Aucun démon. Hakuna demona hata moya. Et peut se tenir devant la présence de Dieu. Ile inaweza kushimama mbele wala muwepo ya Mungu. Non bien aimé frère. Pana nduku mpendwa. Non bien aimé sœur. Pana dada mpendwa. Aucune maladie. Hakuna magonjwa hata moya. Ile inaweza kukangala wala kujama mbele ya Mungu, muwepo wa Mungu. Non frère. Pana nduku. Non, ma soeur. Pana dada. Même la jalousie. Hata buivu. Et la haine de nos ennemis. Na chuki ya badu yetu. Ne peuvent rien contre nous. Haitafanya kintu juu yetu. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai soeur. Ya kweli dada. Chaque malédiction. Kila laana. Est changé en bénédiction. Ikuna badirika kumubaraka. Parce que nous sommes avec la bénédiction. Sabu shie tunatembea na baraka. Dans l'appel de Dieu. Mwepu ya Mungu. Il n'y a pas l'ombre de malédiction. Amuna ata kimvuri kia laana. La présence de Dieu. Mwepu ya Mungu. Éloigne de nous. Inekalaka unga kuma mbali. Toute forme de aina yote ya laana. Et la présence de Dieu. Na wepu ya Mungu. Change la malédiction. Ikuna badirisha laana. Inakuya baraka. Oui, bien aimé frère. Dio dukumpendwa. Mais il faut écouter. Lakini inafadhali kushikia. Il faut l'écouter lui. Inafai kumushikia yeye. Il faut l'obéir lui. Inafai kumuti yeye. Quand Quand vous devenez désobéissant, wakati unakuwa shipo kutii, vous devenez rebelle, unakuwa mtombozi, vous n'écoutez plus, aushikie tena, la voix de l'Éternel, sauti ya wamilele. À ce moment-là, ile wakati, toutes les malédictions, ile malana yote itakuwa kala yulu yako, et vous mourrez, na utakufwa munjia. Vous n'aurez aucune protection. A utakuwa na ukingo wa tamoya. Vous n'aurez aucun secours. A utakuwa na msaada tamoya. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ya kweli dada. En réalité, katika ukweli, les démons n'ont pas peur de nous. Ma démon aitongopaki. Même les ennemis d'Israël. Ata badu yenye Israël. N'avaient pas peur d'Israël. Aba kweke na boka jua Israël. Israël était en voyage. Israël est comme safari. Et ils étaient dans des pays bien établis. Boba rikuwa mumainchi ile inesha kuikala mzuri beko na bitu byote akufa. L'armée d'Israël. Na sila ya Israeli. N'était pas aussi structurée. Haikukui hata na vyombo, haikwenye kupangwa mzuri. N'était pas bien organisé. Haikwenye kupangwa mzuri. Comme les armées de leurs ennemis. Sa ma sila wala jesi adu yabo. Vous voyez? Munaona. Mais Dieu au milieu d'eux. Mais lakini Mungu katikati yao. Ils avaient. Sa vile boba rikuya. L'Éternel des armées. Na wa milele wa majesi. L'Éternel des armées. Na mule wa milele wa majesi. Ndio alikuwa na jesi yenye kupangwa mzuri katikati ya Israeli. Na ile jesi ndio ilianza kumbana juu ya Israeli. C'est vrai, frère. Nous n'avons aucune armée. Si atuna na jesi atamoya. Mais nous avons l'Éternel. Lakini tuko na wamilele wa majesi. Qui utilise? Ule kona tumia. Toute la création. Maumbile yote. Pour notre bien. Dieu a bizuri vietu. Amen. Yakweri nduku. C'est vrai, bien aimé. Yakweri mpendwa. Tout ce que Dieu a créé, bile biote Mungu aliumba, il a créé, alibiumba, ni juu ya baraka yetu, pour notre protection, ni juu ya kutukinga shie. Même le vent, atam pepo hii, œuvre pour notre bien, iku natumika ni juu ya bizuri yetu. Même la sauterelle, atam panjo, œuvre toujours pour notre bien, iku natumika ni juu ya bizuri yetu. Pour que toute la nature Dieu a filioté puisse œuvrer pour notre bien. Mpate kutumika Dieu a bizuri vyetu. Nous devons l'écouter. Sie tunapasha kumshikia. Nous devons l'inviter. Tunapasha kumwalika. À venir marcher avec nous. Apate kuya kutembea pamoja nasi. Il ne supporte pas le péché. Yeye avumiliake dhambi. Il ne supporte pas la désobéissance. Avumiliake bato ba kutokutii. Il ne supporte pas la rébellion. Avumiliake kutombozi. Non bien-aimé. Hapana ndugu mpendwa. Non bien-aimé. Hapana dada mpendwa. Mais quand Israël, lakini wakati Israeli, n'a pas compris, haikuelewe tena, le bien fondé, maana mzuri, du conducteur que Dieu ya mungozi ule Mungu alibawekea, de la colonne de feu, ya nguzo la moto, qui marchait devant ile ilianza kutembea mbele yabo, usiku na mchana, juu ya kubakikisha hope ya Mungu katikati yabo, juu ya kuangaikia mahitaji yabo, wakati walikuwa na njala, mnaona, Mungu alianza kubarisha, aina Musa, alianza kulisha taifa, lakini ni Mungu, wakati walikuwa bagonjwa, ni Mungu ndio alianza kupafacha utunzo, unaona nduku mpendwa. Unaona dada mpendwa. Quand ils étaient dans un combat. Wakati walikuwa mvita. Aina bobo anaanza kumbana. Lakini wa milele anaanza kumbania. Wakati walisikia kiu ni Mungu ndio alianza kuwapatia mai ya kunya. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Tout ce que nous avons. Byote bile tukunabyo. Dans ce voyage. Mui safari. En attendant qu'on arrive à la destination. Mukongolea tupate kufika. Est un don de l'Éternel. Ni zawadi ya wamilele. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Il n'y a rien. Hakuna kintu. Que tu peux posséder. Ile wewe unaweza kuwa na hicho. Que toi-même. Dieu a kwa wewe mwenyewe kupitia wewe mwenyewe. Non mon frère. Pana nduku. Non ma sœur. Pana dada. Mais ils ont commis une erreur. Lakini barifanya nkosa. Ils ont rejeté la conduite Barikatala, ongozaji wa Mungu. Ils ont préféré leur propre conduite. Bo bari penda ba jitembele bo bengiwe. Ils ont préféré la conduite de Corée. Bari penda mongozi wa Corée. Et Dieu n'a pas accepté cela. Na Mungu akuitike ile. Ils se sont eux-mêmes plongés dans la malédiction. Bo benye bari tumba jitumbukiza katika laana. Oui bien mes frères. Ndio dada ndukumpendwa. Ndio dada mpendwa. À un certain moment, Israël n'a pas marché. Israël a écouté le rythme de Dieu. C'est vrai, frère. À un certain moment, il voulait ressembler au monde. Na batu ya mdunia. Ils sont arrivés à un moment. Ils ont commencé même à mépriser. Bananza ta kubeula. Man, chakula ile waanza Mungu waanza watumia, maasema. Même en Égypte, là où nous étions. Hata mumisi mwenye mwenye tumukuya. Murukuya kunyama, murukuya kubibimbi, murukuya kumakwaro. Toa choka imana. Ça, Dieu n'a pas apprécié. Mungu akufurahie. Les uns ont dit. Bengine asema. Nomme-nous un chef. Qu'il nous retourne seulement en Israël. Utoekie kumukuwa moya ula tetraidia ukongoza kurudia mumi mumisi. Ça, Dieu n'a pas accepté. Ile Mungu ashikuchike. Et Dieu ne les a jamais pardonnés. Na Mungu ashebarumiaka jua ile. Dieu s'est fâché. Mungu alishirika. Il a dit, il faut qu'il meure. Anasema, inafadhali akufwe. Baba kufwe. Mungu apenda baua. Musa kanza kubalombea. Et Dieu dit, na Mungu akasema, ils n'entreront pas. Lakini abatengia. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Dieu ne veut pas cela. Mungu asipende vile. Dans le message de retour et jubilé. Maubiri kurudia na yubile. Et comment frère Branham fait des commentaires à ce sujet. Mishikie vile nduku Branham ekonasemea yu ya imambo. Retour et jubilé. Kurudia na yubile. Frère. Nduku. Ma soeur. Dada yangu. Il faut accepter. Inafadhali kuchika. La conduite de Dieu. Mwenendo wala ongozaji wa Mungu. Quand vous refusez la conduite de Dieu, mwakati mnakatala ongozaji wa Mungu, vous mettez vous-même en difficulté. Munejiweka mumagumu. Oui bien mes frères. Ndio nduku mpendwa. Oui bien mes sœurs. Ndio dada mpendwa. C'est là qu'il commet une erreur. Pale ndio balikosa. Israël fit également cela une fois. Israël fanya ile mara moja. Juste une chose kitu que les gens font. Kile batu biko nafanya. Israël regarda autour de lui. Israël akangalia kando kando yake. Après qu'on leur ait partagé l'héritage. Kisha boku bagawanya uriti. Il voulut être comme le reste du monde. Baripenda kuya sabatu bote wa mdunia. Ils désirèrent un roi. Bakanza na boku tamania bakwe na mufalme. C'est ça l'erreur de l'église aujourd'hui. Njoko sa kanisa leo. Une grosse erreur. Kosa munene kabisa. Quand les gens ne veulent plus la conduite de Dieu. Mwakati batu wapende tena Mungu abaongoze. Ils veulent ressembler au monde. Banapenda kufanana kwa sabatu bote mdunia. En voulant ressembler au monde. Mukupenda kwa sabatu mdunia. Et en voulant être dirigé autrement que le plan de Dieu. Nakupenda kuongozwa namna ingine kushindia mapla ya Mungu. Ils rejettent la conduite de Dieu. Pale banakatala ongozaji wa Mungu. En rejetant la conduite de Dieu. Mukukatala ongozaji wa Mungu. Ils rejettent Dieu lui-même. Ni Mungu ye mwenyewe banakatala. Qui est leur protecteur. Ule alikuya wakubakinga. Et quand ils rejettent. Na wakati banakatala. Leur protecteur. Ule wakubakinga. Ils deviennent errants. Banakuya bashipo nguvu banakuwa babule tu. Ils commencent à errer. Bananza kuangaika. Oui, bien aimé frère et sœur. Dio nduku na dampendwa. Et pourtant Dieu le conduisait à la destination. Japo Mungu aranza kubaongoza kushabao wala kuvivu. Nous conduit à la destination. Paka hivi Mungu eko netongoza juu ashikufika. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Tous ces gens. Abatu bote. Au temps d'Israël. Mwakati Israeli. fait confiance en Dieu. Bale abakutuba yemi Mungu. Dans sa conduite, mwamu mwenendo yabo ne sont pas arrivés. Abakufike. Tous ces hommes abana et toutes ces femmes na banamuke bote, qui rejetaient la conduite de Dieu, bale bale katala Mungu abaongoze, ils ne sont pas retournés en Égypte. Abakurudia ke mumisi, ils ne sont pas arrivés abakurudia ke mukanana. Tous mourir bote bale kufia dans le désert. Mujangwa. C'est vrai. Ya kweli. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Na njoki le kile tufikia leo. La plupart des frères et sœurs ba mingi katikati ya banduku na badada ne veulent plus avancer. Aba pende tina kwenda kumbele. Non. Apana. Le message ujumbe est devenu trop dur. Inakuwa ya nguvu kabisa. Quand le message est prêché dans sa pureté, wakati le ujumbe ikuna ubiriwa katika usafi yote, makanisa yetu ya sasa haipende tena. Pourquoi? Dieu anime. Ils veulent une nouvelle conduite. Bona penda kongozi ya sasa. Il veut la modernité. Ben apenda kizungu. Et c'est ce qui le tue. Na njo tenye kikune tuwa. C'est vrai. Ya kweri. Po baname di. Ndugu baname anasema. Ils ont modernisé nos assemblées. Banafanya makanisa yetu na kwa kizungu. Ce qu'ils ont fait. Dieu qui va le faire. Et une autre chose qu'ils ont faite. Na kitu kingine va le faire. Ils ont amené. Barileta. Ils ont amené. Barileta. L'immoralité à nos femmes. Kukosa kwa heshima kwa banamu babibi yetu wala babinti. Parfaitement. Ka kamilifu. C'est très grave ça. Ni hatari ile. Nos assemblées, makutano makanisa yetu, ont été paralysées, iliposeshwa, par le modernisme, kupitia kizungu. C'est vrai. Bia kweri. Parce qu'ils ont rejeté la conduite de Dieu. Sababu barikata la Mungu baongozi. Le modernisme, kizungu, amène le péché. Inekalaka na leta zambi. Et le péché. Na zambi. Chasse la sainteté. Inekalaka na fukusha butakatifu. Au milieu de son peuple. Katikati ya taifa ya Mungu. Quand la sainteté est chassée. Mwakati le butakatifu munatoka. Le saint est parti. Mutakatifu anaenda naye. Le saint, mutakatifu, la présence du saint, wepu ya mutakatifu, amène la sainteté, inekalaka na leta butakatifu, parmi son peuple, katikati ya taifa yake. Quand le modernisme, wakati kizungu, arrive parmi un peuple en voyage, inengia mutasaifa kumusafari, lorsque nos assemblées, wakati makutano wema makanisa yetu, le modernisme, inakumbatia kizungu, le modernisme, kizungu, avec la mondanité. Kinakuyaka na kidunia. La mondanité. Na kidunia. Est accompagnée. Kinekalaka kinashindikizwa. De toute forme de suie. Na aina yote ya uchafu. Et Dieu n'aime pas ça. Na Mungu ashipendake ile. Les gens sont propres. Batu beko safi. Dans leur corps, ndani ya mili yabo, mais très souillés, lakini bachafu kabisa, ils sont sales, beko babuchafu, ils sont pourris, beko benye kuoza, ils sentent mauvais, beko na nunka mubaya, dans leurs âmes, mumanafsi yabo, ils sont modernes, beko bakizungu, de l'extérieur, inje inje, mais leur cœur, lakini ndani ya moyo wabo, est rempli de démons. Yenye kuyala na mashitani. Dieu ne peut pas marcher avec un na kamwe Mungu hawezi kutembea na ile taifa. Conforme à l'âme de Dieu. Pa vile ndugu anama yasema. Dieu ne peut jamais habiter Mungu hawezi kamwe kukala dans une assemblée mu makutano où il y a de la mondanité. Mule muki dunia. Oye fait bien mes frères. Nuna ndugu mpendwa. Quand les gens rejettent la conduite de Dieu, ils ne pensent qu'au terrestre. Banekalaka mkuwaza sasa kubitu paka ya kidunia. Kunaisha. Et la marche est arrêtée. Na safari, banashimamisha. Tous les projets mapu yote sont terrestres. Inakuwa paka ya kidunia. Mais les projets spirituels lakini mapu ya kiro personne hakuna mutu n'en pense eko na wazako. Et la marche na safari ya kiro inashimamia pale. Les hommes banaume sasa et les femmes na banamuke veulent rassembler, veulent ressembler benapenda sa kufanana na dunia. Ils veulent agir benapenda kutenda comme le monde paka vile dunia. Ils n'ont plus de conseillers abana tena na akubashauria. Et pourtant Jésus a dit japo Yesu alisema quand le Saint-Esprit viendra wakati Roho Mtakatifu itakuja il vous conduira itaniongoza dans toute la vérité katika ukweli yote. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Ya kweli dada. L'église kanisa n'a plus la bénédiction de la Pentecôte. Aina tena na ile baraka ku Pentecôte. La bénédiction de la Pentecôte. Baraka ku Pentecôte. C'est l'esprit de la Pentecôte. Ile karaka ni ile roho ya Pentecôte. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. C'est la présence de Dieu. Ni wepu ya Mungu. Dans le cœur de croyants. Ndani ya mioyo ya baminifu. Qui leur donne la force. Dieu inawapatia nguvu. Les ailes. Inawapatia bidii. Qui leur donne l'onction du voyage. Pako ya safari. On doit être dans l'onction du voyage. Upako on doit être dans l'onction de l'enlèvement. Mwile upako ya kunyanyuliwa. Combien encore parle de l'enlèvement? Beko nasema ko leo ndio kunyanyuliwa. Bangapi unasemelea kuja kurudia kwa Bwana? C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada. Le modernisme kizungu a paralysé nos églises. Kina posesa makanisa yetu. Tous les péchés. Mazambi yote. Tous les péchés. Mazambi yote. Sont entrés. Inaingia. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Les gens n'écoutent plus l'ange. Bantu abamushikie tena malaika. Ils n'écoutent plus la voix de l'ange. Abashikie tena sauti ya malaika. Non bien aimé frère. Apana nduku mpendwa. Non bien aimé sœur. Yapana dada mpendwa. Comme c'est Jéhovah. Ça veut dire Jéhovah. Qui avait délivré Israël entre les mains des Égyptiens. Mumikono wa Misri. Israël lui devait tout. Na Israël il passe kufanya yote juu yake. C'est ce que Dieu veut. Joi le Mungu kuna penda. Que l'église fasse. Kanisa istende vile. C'est ce que Dieu veut. Joi le Mungu anapenda. Que chaque croyant. Kila mukristu. Le fasse. Apate kutenda vile. Jésus a tout payé pour Jésus Christ nous. Alipa yote juu yetu. Il a tout payé pour alipa moi. Yote juu yangu. Je lui dois aussi tout. Na mie mina pasi kufanya yote juu yake. Voyez bien mes frères. Munaona nduku. Voyez bien mes sœurs. Munaona dada. Nous lui devons tout. Bile biote wapasi kufanya juu yake. Tout nous lui devons Muna tout. Na mupasi wa biote. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Parce qu'il nous a racheté. Pour que nous soyons ses esclaves. Il veut que nous soyons ses esclaves. Il veut que nous lui abandonnons notre volonté, notre pensée, notre amour, notre force, notre zèle. C'est vrai frère. C'est pourquoi il doit être là. Je commande à la page qu'il y a parlé. Sans lui, Bila yeye, nous ne pouvons rien. À tout aweza kitu. Où est les ailes? Bidi bikoapi. Où est les ailes? Bidi bikoapi. Aujourd'hui c'est vendredi. Leo ni siku ya vendredi. Combien de gens étaient ici depuis le matin? Bangati barikuya patangia asubuhi. Combien? Bangati. Où est les ailes de la, dans la prière? Bidi bia maombi biku wapi? Où est la somme de la prière? Kiwi ya maombi kiku wapi? Voyez, frère. Non, Nandou. Les gens préfèrent aujourd'hui. Bah, tu veux n'attafutaléo. Être bien habillé. Bah, pas te couvrir la mousse. Très propre. Bah, couvrir bah, obstacle. Bien parfumé. Et ne couvrir comme un cato. Mais. Latine. Loger tous les démons de l'enfer. Bah, n'est-ce que carissa maroya pour ma démon yote amgena. Ils sont contents de loger en paix tous les démons de l'enfer. Ils préfèrent même bercer ben les démons. Il est ma démon. Les démons dans leur cœur. Ma démon a dans leur cœur, ils sont souillés. Et leur cœur est noir comme de la braise. Samakala. Leur cœur est souillé comme une fosse pique. Sakimbotela. Mais à l'extérieur, mais la kinika mon a inje. Ils sont propres. Beko safi. Elles sont propres. Beko safi badada. Changer les vêtements tous les jours. Valise ma vase kila shiku. Tous les jours. Unawa kila shiku. Mais incapable. Lakini ana na uwezo ya kutubu. Tous les jours. Kila shiku. Quelqu'un peut dormir avec les péchés pendant 6 mois. Mutu anezi kulala na zambi miezi sita. Il vient à l'église. Anako kanisa. Avec le péché, na Zambi. Il sort avec l'église. Anatoka na Zambi. Il sort avec le péché. Anatoka na Zambi. Il mange avec le péché. Anakuria na Zambi. Il dort avec le péché. Analala na Zambi. Il marche avec le péché. Anatembea na Zambi. Pas de problème. Hakuna mambo. Mais kama unakanyanga potopoto. Mais lakini si vous osez pétiner la boue. Par accident. Kwa inamumbamba. Un canjo yak, sa chemise yak, bagne ou sa chemise. Vous avez commis un péché impardonnable. Où on atteint la Zambie, la Vatakurumia. C'est ça la condition de rétrograde. Jo Ali abatu bakwa chaimani. Des gens qui ne veulent pas la liberté. Bala bapende uru. Des gens qui ne veulent pas la présence de Dieu. Batu bala bapende uru pour amungu maisha yabo. Et pourtant, Japo. L'objectif de Dieu, Chabaya Mungu, après avoir appelé son peuple, Kishakuita taifa yake, marcher avec lui, apate kutembea na taifa, jusqu'à la destination, et habiter na fikala, au milieu de son peuple, katikati ya taifa yake. Même quand Dieu demanda à Israël de faire un sanctuaire, il dit qu'il me fasse un sanctuaire, je viendrai habiter au milieu d'eux. Pour faire quoi? Pour vous bénir. Pour combattre pour vous. Pour vous guérir. Pour vous protéger. Pour vous kinga. Pour s'occuper de vos besoins. Frère, Duku, ma soeur, Dadayang, Israël n'a pas apprécié cela. Israël y a croyé, il est. Non, bien-aimé frère. Pana Nduku Mpendwa. Non, bien-aimé soeur. Pana Dada Mpendwa. Ils ont changé de comportement. Baribadisha namna ya kutenda. C'est ça l'erreur. Jonkosa. Ils ont commencé maintenant. Bakaanza sasa. À se débrouiller. Kwanza kujitafutia. Dieu veut conduire les hommes. Les hommes ne peuvent tout simplement pas se conduire eux-mêmes. Vous voyez? Frère, Luku, toi et moi, nous ne connaissons pas le chemin du ciel. Vous bien mes frères? Il n'y a que celui qui est allé au ciel. Ni paka ula renda kumbingu. D'abord, il était au ciel. Alikuwa kumbingu. Il a quitté le ciel. Aliacha mbingu. Il est venu sur la terre. Akakuya pa dunia. Il a quitté la terre. Na toka pa dunia. Il est allé au ciel. Akaenda kumbingu. Pour préparer au ciel. Il a kutarishia bateule. Une résidence. Wa makao. C'est l'unique na, qui connaît ni ule peke, jwana yu anjia. Et pour que nous na, arrivons, tupate kufika que nous arrivons à la destination, kufika kule, kule on fati, doit écouter les conducteurs. Pasha kushikia mungozi. Oui, bien-aimé frère. Ndio nduku mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Ndio dada mpendwa. Vous voyez. Mnaona. Vous devez obéir à Dieu. Munapasha kutii Mungu. Pour rester dans le pays. Ndio akubakia katika inchi. Vous devez obéir à Dieu. Munapasha kumtii Mungu. Pour marcher droitement avec lui. Dieu a kutembea katika unyofu pamoja naye kufika na mwisho. C'est vrai. Ya kweli. Si vous ne le faites pas, kama ina vile, vous tombez. Hakika mtanguka. Vous mourrez. Mutakufa. Si vous vous révoltez en chemin, kama munatumboka njiani, vous mourrez. Mutakufa. Corée na Datan ne sont pas arrivés. Aba kufike. Et pourtant c'était des conducteurs. Japo bo bariko ba ongozi. Des gens de renom. Batu bakavumu. Mais n'ont pas compris la conduite. Mais lakini abakuelewe ongozaji wa mtakatifu. C'est pourquoi frère. Joko mana nduku. C'est pourquoi ma chère. Joko mana dada. Si nous sommes élus, kama tukubateule, c'est destiné à aller en l'enlèvement. Acceptons la conduite du Saint-Esprit et écoutons la voix de notre maître. Sauti ya mwalimu yetu. Acceptons la présence de Dieu dans notre église, dans notre vie. C'est vrai, frère. Si toi tu as Dieu, moi j'ai Dieu, l'autre a Dieu, celui-là a Dieu, celui-là a Dieu. Quand nous venons ici, la présence de Dieu est grande. Elle est surnaturelle. S'accompliront. Quand les démons de maladie tomberont sur un frère, une sœur, la présence de Dieu au milieu de nous, ça sera les démons de la maladie. Les démons ya magonjwa. Ce que Dieu veut. Dieu qui le Mungu anatafuta. Et nous allons arriver na tutafika en paix à la destination. Katika salama kumwisho. Notre destination, ce n'est pas ce Kambo Tabernacle. Mwisho yetu aina umkambo Tabernacle. Notre destination, c'est mwisho yetu ni kunyanyuliwa. Voyez bien mes frères. Unaona nduku mpendo. Voyez bien mes frères. Ona dada mpendo. C'est pourquoi. Joko amana. Vérifiez votre vie. Mwangarishishe maisha yenu. Vérifiez votre conduite. Mwangarishishe mwenendo yenu. Est-ce que tu t'es déjà écarté? Et tu n'es pas kutoka de l'ange que Dieu t'a envoyé. Na malaika ule Mungu pour te conduire en chemin. Juu ya kuongoza mwingia. C'est le temps de les rechercher. Ni wakati ya kumtafuta. C'est le temps de les rechercher. Ni wakati ya kumtafutisha. Sinon, kama inavile, vous n'arriverez nulle part. Amutafika fashi. Vous serez toujours vaincu. Mtakuya paka bakushindiwa. Par les démons. Mademona. Et par le péché. Na kupitia zambi. Vous serez toujours malheureux. Mtakuya paka baole. Il n'y aura personne pour s'occuper akuta de vos besoins. Ula tanza kuangaikia mahitaji yako. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada. C'est pourquoi. Juko amana. Pour arriver. Dieu a kufika. Il faut accepter la conduite de Dieu. Ongozi wa Mungu. Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Dieu a imangaribi. Levons-nous pour la prière. Shimame, Dieu a kuomba. Oui, bien-aimé frère. Ndiyo nduku mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Ndiyo dada mpendwa. Quand Dieu dit, wakati Mungu anasema, je les chasserai. Je chasserai les ennemis. Tafukuza baadui yenu. Loin de ta face. Mbali na uso yako. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Ce n'est pas un homme. Aina mutu. C'est le Dieu tout-puissant. Ni Mungu wa uwezo yote. Prions. Tuombe. Merci Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Dieu